sachant distraction. A la fin, moi découragé, brusquement, moi tente de ding-dong. C'est un passage, moi remè, un bruit à l'égaté. Moi, je joins ces disprécieux qui chita qu'a fait musique. Belle pensée fait mes bêtes, où tu t'as marché dans moi, moi, moi, moi, de ça, ça et ça, où tu peux jouer, corbe. Chachon distraction. A la fin, moi découragé, brusquement, moi tant de ding-dong. C'est un passage, moi remè, moi couri à l'égaté. Moi joins ces dispensieux qui chita qu'a fait musique. Belle pensée, fait mes bébés. Où qui t'a marché dans moi, moi, moi, moi, de ça, ça et ça. Où peut clouer, camper, pour tomber, traîner. Où peut clouer, camper, la paix fait progrès. Où peut clouer, camper, pour tomber, danser. c'est la belle et bon. Attention avec une belle fille, non mais on. Ou pas besoin de perdre ton bois, chérie. Je vous aime, oui. Ou pas déjà parlé pour vous. Ou déjà tout là. Pas bon. Il y a des filles par exemple qui aiment leur mari, par exemple, Marial dans le travail, elle tourne, elle a montré dans la caille pour l'embrasser. Quand il bouche, il met en bouche, il prend les tirages. Il y a des filles qui souffrent pour le bagage. Il y a des filles qui sont en pile, en pile. Quand l'autre série fait même, quand l'autre série fait même, il y a des par exemple les mariés sont dans le travail. Pour Marial rentrer dans la caille, il jouit férant, rentrer à manger. Elle finit de virer tout, ils sont pas dit l'eau, ils voient pas dit non. Quelle fille qui a mouru pour bagaille ça? Bon, l'autre série fille même, si on fait une journée avec Mario, pour Mario pas foutre un calotte, il pas prêter avec les gars. Bon, l'autre série même, ça le remet. Il remet par exemple, pour Mario lever grand matin, pour le battre. Pour le battre dans le goût Jésus. Et puis, pour Mario aller au travail, il met pour le marron qu'on pourrait sauter. Il met des pyjamas dans la souris. Il met des vieux souliers de la pire. Alors pour paraître comme la galerie, mon voisin a pris des voisins. Sortez là. Et puis son plaisir pour lui pour le répondre, pour le dire. A pas mon chien qui sortit pour enfrager les loin. Bon. L'autre jour, enfin pas pour dire l'autre jour, quand on monte à tant de bio, toute fille qui a tant de bio, toute fille qui a tant de bio. Mon défi va lancer là. L'homme fin baille question. C'est pour nous ne pas répondre, non, c'est pas ça. Ma bat nous 200 dollars. Si nous disons, c'est pas vrai, ma nous 200 dollars. Quand tout fille qui a coûté là, pas qu'on fille là qui pour dire moi, il va qu'on joue yo-yo. Ah, mes questions. Nous pas ça dit pour pas qu'on joue yo-yo. Parce que yo a son petit jouet. Petit jouet qui douce. Ou prend ficelle là, ou marre là yo, s'entend bien. Oui, allez monter, filer descendre. Ou monter, filer descendre. Ou l'autre paume à gauche, à droite, ou remoutant là encore, en l'air, en bas. Oh, non, rete, rete. Allons pas qu'on est si yo, yo, ça passe, je vais la vie toi douce, ficelle la casse, s'entend bien. Mamzelle va gagner l'autre bagaille pour dire. Oui, revois, revois, retire, retire, retire, retire, retire, pas aller, pas pousser.